Enseignement par le Vénérable Sayadaw Upandita, retraite Vipassana 2001, 14e jour. À ce stade de la retraite, vous devriez avoir compris en quoi consistent les absorptions, puisqu'elles vous ont été expliquées à la fois d'un point de vue pratique et d'un point de vue théorique. Lorsque les facteurs jhaniques pénètrent le courant de conscience, ils dispersent les empêchements puisqu'ils en sont les antidotes. L'expression Upanisayana se réfère à une attention précise, concentrée et totale. Les facteurs jhaniques brûlent les nivarana, les empêchements. C'est la signification de l'expression Pali. Japana. Les facteurs jhaniques consument entièrement les empêchements. Une fois débarrassé des empêchements, l'esprit devient pur et calme. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire à propos des jhanas, mais ceci devrait suffire. Les empêchements polluent l'esprit et freinent la progression. Un esprit libre des empêchements devient clair et stable. La concentration, et plus spécialement la concentration momentanée appelée Kanika Samadhi, devient bonne et le méditant voit la véritable nature des choses. Autrement dit, il est capable de faire la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux, nama et rupa, et il réalise les causes et les effets. On dit alors que le méditant voit la réalité telle qu'elle est vraiment. Il finira par voir les apparitions et disparitions des phénomènes. Il verra la nature impermanente des choses, anicca. Par voie de conséquence, il va réaliser dukkha, la nature insatisfaisante des phénomènes, car tout ce qui est impermanent est insatisfaisant. Il va également réaliser que les phénomènes se produisent d'eux-mêmes automatiquement et comprendra ainsi anatta. Le méditant aura réalisé pour la première fois les trois caractéristiques des phénomènes anicca, dukkha et anatta. C'est à ce point que commence vraiment Vipassana. Si ces réalisations, ces connaissances intuitives ont pu se produire, c'est essentiellement parce qu'il a réussi à se débarrasser des empêchements. Le Vénérable Sayadaw ne va pas donner d'informations plus détaillées à propos de ses premières connaissances intuitives. Ce n'est d'ailleurs pas recommandé, mais il va essayer de vous en donner une idée générale. Imaginons un méditant qui passe de la posture debout à la posture assise. Il va tout d'abord voir dans son esprit l'intention de s'asseoir. Cette intention, c'est nama, l'esprit, la mentalité. Le processus physique du mouvement d'abaissement est rupa, la matière. C'est la matière rupa qui s'assied et non pas l'esprit. Si nous observons attentivement, nous verrons que l'intention de s'asseoir est en réalité constituée d'une série d'intentions de s'asseoir. Et nous verrons également que le processus physique, le mouvement qui consiste à s'asseoir, est constitué lui aussi d'une série de petits mouvements vers le bas. Lorsque les facteurs jhaniques sont présents dans l'esprit et que le méditant observe ces phénomènes avec attention, son esprit va progressivement se purifier et il verra très clairement cette série d'intentions et cette série de petits mouvements vers le bas. En pali, on parle de nama rupa pariccheda jnana, autrement dit, la connaissance qui discerne les phénomènes physiques des phénomènes mentaux. Si le méditant poursuit son observation et qu'il continue à noter les namas et les rupas qui se manifestent à chaque instant à l'intérieur de lui, il verra leur véritable nature. L'esprit va progressivement se purifier et le méditant verra ces phénomènes tels qu'ils sont vraiment. Il va ainsi acquérir une nouvelle vision des choses. Cette nouvelle vision des choses n'est pas le produit de son imagination, elle s'enracine dans une observation très concrète des phénomènes physiques et mentaux. Cette nouvelle vision va tout naturellement faire disparaître l'ancienne. Avant de méditer, on croit en l'existence d'un jiva atta, une âme, un principe, et que cette jiva atta existe dans le présent, qu'elle existait dans le passé et qu'elle existera dans le futur. Tout ceci est le fruit de l'imagination et on s'y attache. On parle de l'attachement à jiva atta. Mais la nouvelle vision va faire disparaître l'ancienne. Et c'est le bénéfice immédiat de la contemplation des phénomènes physiques et mentaux. Les gens qui perçoivent les choses selon l'ancien mode et qui sont attachés à cette façon de voir croiront que cette jiva atta, cette âme individuelle, est présente chez les autres également et même chez les insectes et dans les végétaux. Chaque fois que la vision aura lieu, ils croiront que la jiva atta est impliquée dans le phénomène. Chaque fois que l'audition aura lieu ou tout autre contact sensoriel, que ce soit par le nez, par la bouche, par le corps ou par l'esprit, ils croiront que la jiva atta est impliquée. Cette âme, cette personnalité, a selon eux un certain pouvoir. Lorsque le corps meurt, elle continue à exister et cherche un autre corps. Lorsque sur base de la contemplation, la nouvelle vision se manifeste, elle fait spontanément disparaître l'ancienne. Mais cette ancienne vision n'a pas encore disparu de façon définitive. Ceci ne se produira qu'au moment où la première connaissance du chemin, c'est-à-dire Sotapatti Magga, aura été réalisée. La croyance en l'existence d'une âme personnelle sera alors définitivement éradiquée. Il faut donc que nous pratiquions jusqu'au jour où nous aurons atteint ce stade et que nous serons débarrassés à tout jamais de jiva atta. Tant qu'on n'aura pas mené la pratique à son accomplissement, on continuera à croire en jiva atta. Mais si on pratique, on va progressivement réaliser que le fait de le passer de la posture debout à la posture assise ne se produit pas sans cause. On verra que ce processus s'accompagne de toute une série d'intentions. Ce sont toutes ces petites intentions qui sont la cause pour le mouvement physique. Aucun créateur n'est impliqué dans ce processus, et ceci sera très clairement perçu au cours de la pratique. Il n'y a en soi qu'une suite ininterrompue de causes et d'effets. Voir cela, c'est Yata Bhuta Nupassana Jnana. La connaissance résultant de la contemplation des choses telles qu'elles sont réellement. Et lorsque cette connaissance se produit, le méditant se libère du doute, et plus particulièrement du doute concernant l'existence d'un éventuel créateur. Lorsqu'il voit la série des intentions qui provoquent la série des petits mouvements, il comprend par inférence que ce qu'il voit dans le présent a toujours existé dans le passé. Par inférence, il comprend également que ces choses vont se produire dans le futur. Il comprend comprend par inférence que ce qu'il voit à l'intérieur de lui, c'est-à-dire la relation de cause à effet, se produit également chez les autres. Le méditant voit clairement. Mais si on ne se donne pas la peine de contempler les phénomènes physiques et mentaux, tout ceci va rester vague. Et lorsqu'on ne voit pas clairement la réalité, on est amené à s'attacher à la vue fausse qui fait croire en l'existence réelle d'un créateur responsable de tous ces phénomènes. On s'attache à la vue fausse qui fait croire qu'il n'y a pas de cause aux événements. Ahetuka diti en pali. Cette vue fausse est également très ancienne. Et si on ne comprend pas qu'un effet précis est amené par une cause précise, on croira que c'est un créateur qui l'a voulu. Ceci, c'est la vue selon laquelle un événement précis est l'effet d'une cause imprécise. Si on observe attentivement et qu'on note clairement, on verra qu'il n'y a que des causes et des effets. On abandonnera alors l'idée d'un créateur, d'une puissance extérieure, qui serait à l'origine des phénomènes. L'ancienne vue est corrigée et la personne se libère de la vue fausse. Tout ceci sera réalisé au cours de la méditation, par expérience directe. La nouvelle vision va se manifester et faire disparaître l'ancienne. C'est le bénéfice immédiat de la pratique de la méditation. L'éradication définitive de l'ancienne vision va se produire lorsque le méditant aura atteint la conscience du chemin. On comprend maintenant que le mouvement qui consiste à passer à la posture assise se produit parce qu'il y a une cause. Voici un exemple très familier qui va illustrer tout cela. Dans cette pièce, il y a de la lumière. S'il y a de la lumière, c'est parce qu'il y a une cause. La lumière ne peut pas apparaître s'il n'y a pas une cause. Quelqu'un a tourné l'interrupteur, le courant est passé dans les fils et a atteint l'ampoule. Tout ceci a provoqué l'apparition de la lumière. Autrement dit, toutes ces manipulations ont été la cause pour la lumière. Si quelqu'un tourne l'interrupteur, la lumière va disparaître. Il est donc certain qu'il y a une relation de cause à effet entre ces deux événements. Et c'est la même chose avec le processus qui consiste à passer à la posture assise. L'intention de passer à la posture assise qui est dans l'esprit est la cause et le mouvement physique d'abaissement du corps est l'effet. L'intention de s'asseoir a elle-même été provoquée par un ensemble de causes. Par exemple, le fait de s'être maintenu dans la posture debout ou d'avoir pratiqué la marche pendant un certain temps va provoquer un désir de s'asseoir. L'intention de passer à la posture assise va alors se manifester dans l'esprit. Il est aussi possible qu'il soit tout simplement l'heure de passer à la posture assise et l'intention de s'asseoir va apparaître dans l'esprit. Vous voyez qu'il y a beaucoup de causes possibles pour l'intention de s'asseoir. Nous pourrons également constater qu'une cause bien précise amène un résultat bien précis. À voir les choses de cette façon, l'attachement à la vue selon laquelle une puissance extérieure, une âme, un Brahma, serait à l'origine de tous ces phénomènes, cette vue sera remplacée par la nouvelle. Et ceux qui croient en l'existence d'un être supérieur, d'un Paramahatta, vont lui accorder les qualités suivantes. Cet être supérieur est omniscient, il sait tout. En pali, on dit Sabbanu. Ce Paramatta est également qualifié de Iswaro, ce qui veut dire qu'il contrôle tous les êtres vivants, humains ou animaux. Paramatta a également la qualité d'être unique. Et enfin, il n'expérimente ni la souffrance, ni le plaisir, il est donc sans forme. Illustrons tout ceci par un exemple. La loi de causalité est présente dans le processus de la vision. Au moment où la vision surgit, il n'y a que trois éléments en cause. Le premier, c'est l'objet visible, l'élément buteur. Le deuxième, c'est la partie sensitive de l'œil, ce qui entre en contact avec l'objet visible, l'élément récepteur, la conscience, la sensation et la perception visuelle sont le troisième élément, l'élément ignition. Le processus de la vision ne peut se produire que si ces trois éléments sont présents, buteur, récepteur et ignition. Imaginons par exemple qu'il n'y ait pas de récepteur, donc pas de partie sensitive, la vision ne pourra pas avoir lieu. Et s'il n'y a pas d'objet visible, pas de buteur, la vision ne peut pas non plus avoir lieu. Il faudra également qu'il y ait de la lumière, car sans lumière, il n'y a pas vision. Lorsque le processus de la vision est engagé, même si un millier d'êtres supérieurs le voulaient, il est impossible de l'arrêter. Ce phénomène est en effet automatique, il se produit de lui-même dès que les conditions sont rassemblées. Et si c'est la partie sensitive de l'œil ou l'objet visible qui manque, la vision ne surgira pas, même si un millier d'êtres supérieurs s'y efforcent. Il est donc clair que le processus de la vision est un phénomène naturel qui se produit de lui-même, indépendamment de tout paramatta atta. Au moment où la vision a lieu, il n'y a en présence que trois éléments, l'objet visible, la partie sensitive de l'œil et la conscience visuelle. C'est ainsi que le méditant réalise les causes et les effets et acquiert une nouvelle façon de voir. Lorsque la vision a lieu, le buteur, c'est-à-dire l'objet visible, le récepteur, c'est-à-dire la partie sensitive de l'œil, sont les causes. La conscience, la sensation et la perception sensorielle sont les effets. Il n'y a pas de créateur impliqué dans tous ces phénomènes. Si nous voulons comprendre la réalité, il nous suffit d'observer le processus de la vision au moment précis où il a lieu. Nous comprendrons alors, par expérience directe, qu'il n'y a là qu'un jeu de cause et d'effet. Et tout ceci s'applique également à l'audition. L'oreille est l'élément récepteur, le son est l'objet audible, le buteur. Lorsque ce son entre en contact avec l'oreille, autrement dit, lorsque le buteur entre en contact avec le récepteur, la conscience auditive surgit associée à la sensation et à la perception auditive, ces trois choses constituant l'élément ignition. Si rien ne s'interpose entre la source du bruit et l'oreille, l'audition doit nécessairement se produire. Lorsque le son est agréable, il fait naître une sensation agréable. Lorsqu'il est désagréable, il fait naître une sensation désagréable. Mais tout ceci se produit automatiquement. Si les trois éléments sont présents, objet audible, récepteur et ignition, le processus de l'audition a lieu, rien ne peut l'arrêter, pas même les efforts conjugués de 1000 êtres supérieurs. Mais si un des éléments est manquant, par exemple le son ou la partie sensitive de l'oreille, ou s'il y a obstruction, que le son ne parvient pas à l'oreille, le processus de l'audition n'aura pas lieu, même si un millier d'êtres supérieurs s'y efforcent. Avoir tout cela, on acquiert une nouvelle vision des choses et cette nouvelle vision va remplacer l'ancienne. Et tout ceci est vrai également pour le nez, pour la langue, pour le corps et pour le mental. Nous n'avons pas le temps de tout analyser en détail. Nous avons parlé du lien de causalité entre un phénomène mental et un phénomène physique. Voyons maintenant le lien de causalité qui unit un phénomène mental à un autre phénomène mental. Lorsqu'il y a un objet visible, il faut que l'esprit se tourne vers cet objet pour que la vision ait lieu. Il faut manasikara pour que la conscience de cet objet se manifeste. Si l'esprit ne se tourne pas vers l'objet, la personne ne l'expérimentera pas. Voyons maintenant comment un phénomène matériel peut être la cause pour un autre phénomène matériel. Le fait de manger, c'est un phénomène matériel, empêche le corps de s'affaiblir. La faiblesse du corps est un autre phénomène matériel. Si on nourrit le corps, il deviendra fort et énergique. Le climat également fait partie de cette catégorie. Lorsqu'il fait froid, le sang peut changer d'aspect. Lorsqu'il fait chaud, il peut également y avoir des effets sur le corps, comme la transpiration par exemple. Il y a beaucoup d'exemples de phénomènes matériels qui sont la cause pour un autre phénomène matériel. Il n'est pas nécessaire de tout détailler. Essayez d'observer et de noter au moment précis où ces choses se manifestent en vous, et vous comprendrez la différence entre l'esprit et la matière. Vous comprendrez les causes et les effets. Lorsque vous voyez les causes et les effets se produire à l'intérieur de vous, il n'est pas nécessaire de réfléchir ou d'analyser quoi que ce soit. Vous voyez directement, mais vous devez observer au moment précis où ces choses se manifestent en utilisant Vitaka, le facteur jhanique qui consiste à diriger l'attention vers l'objet, Vichara, le facteur jhani qui consiste à l'y frotter, et Viriya, l'énergie. Il faut observer sans interruption. L'esprit va alors progressivement se libérer des impuretés et vous comprendrez la véritable nature des choses. Les Occidentaux ont l'habitude de réfléchir à propos de leurs expériences, mais ce n'est pas la bonne façon de procéder. La véritable connaissance naît de l'observation, et ce type de connaissance est beaucoup plus fiable que celle qui vient de la réflexion intellectuelle, de l'analyse logique.